بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة السلفية تقدم لكم. Le fait de jeûner, ce n'est pas seulement de préserver ton ventre vide, mais c'est de préserver ta langue des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas entendre. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Il dit, celui qui ne délaisse pas les paroles vaines et d'œuvrer en vain, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne-là délaisse sa boisson et ses aliments. Donc jeûner, ce n'est pas seulement de garder son ventre vide, lakin de préserver tes membres de toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Un conseil tiré de la série de cours de Mulakhas al-Fiqh, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Le fait de parler sur ton frère, c'est l'équivalent à ce que tu manges la viande de ton frère. Déjà, manger la viande de ton frère, qui va le faire? Laquelle une viande de ton frère qui est altérée. C'est la même chose. Hein. Lorsque tu fais une riba sur ton frère, tu calomnies ton frère, c'est comme si jamais tu avais mangé la chair de ton frère altérée. Conseil donné par Abu Yusuf Abdullah Al-Adi, hafidhahu Allah. قال رحمه الله تعالى ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم ندي. Donc il incombe au saïm d'éviter de faire de mentir et de faire de riba, de la calomnie et d'insulter, car toutes ces choses là sont interdites. إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. La personne ne cessera de mentir jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les dénomme parmi les menteurs. Le kadib, c'est ma'ruf. الكذب c'est معروف يعني c'est حرام. الغيبة كذلك c'est حرام. تمام. الغيبة كذلك بارك الله فيكم c'est une chose qui est حرام. Qui est حرام الصائم كذلك qui est حرام à celui qui n'est pas صائم. C'est-à-dire d'évoquer les choses que ton frère ou bien ta sœur n'aime pas en son absence. تمام. C'est ça le تعريف, c'est la définition du غيبة. C'est d'évoquer les choses que ton frère ou bien ta sœur n'aimerait pas entendre. تمام. Au moment où elle n'est pas présente. Même si jamais tu évoques une chose lorsque ton frère et ta sœur sont présents devant toi, ça ne fait pas partie du riba. Le riba, c'est conditionné que la personne ne soit pas là. C'est conditionné que la personne ne soit pas là parmi les choses que la personne n'aimerait pas entendre. Même si jamais c'est des choses qui sont vraies. La personne n'a pas que tu dis le ventru. Tu dis le ventru et tout ça, et il n'est pas là. Et l'absence, ça c'est une riba. Parce que tu sais qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que tu lui dises cela. Et en plus, il est absent. Même si jamais tu inventes des choses sur lui, c'est du mensonge. Et ça s'appelle bohtan. C'est encore pire. D'évoquer des choses sur ton frère ou ta sœur, des qualificatifs qu'ils n'ont pas, en leur absence. Ça, c'est encore pire, c'est bohtan. Ça, c'est encore pire. Pour Mimbab al-Faïda, ça rentre pas dans le riba le fait de faire un jarh sur quelqu'un. Si tu critiques une personne parce que tu veux le faire en conseil pour la communauté, ça fait pas partie des choses qui te fait entrer dans le riba. Et ça, c'est ma'ruf. Ça fait partie des choses qu'a évoqué l'imam al-Nawawi. C'est des choses que les ulama sont tous. Ils sont tous unanimes par rapport à cela. Il a évoqué six choses dans lesquelles le riba ça rentre pas dedans. At-tadhalum, lorsque tu vas te plaindre d'une injustice qui t'a été faite, tu vas certes décrire la personne par des choses qu'il n'aimerait pas entendre en son absence. Là, ça tu as le droit de le faire parce que là tu as été opprimé. Lorsque tu veux prendre aide auprès d'une autre personne contre l'injustice que te fait quelqu'un, tu vas voir que plutôt al-qadi, ou bien tu sais que quelqu'un il a prestance, et par cette prestance là peut-être qu'il va repousser le mal et l'injustice d'une personne, tu dis voilà, un tel m'a fait ceci, cela parmi les choses qu'il n'aimerait pas entendre, et tu prends par cela l'entraide afin que cette personne là elle arrête de te nuire. Et qu'à tel cas, lorsque tu vas demander une fatwa, tu vas demander une fatwa sur une chose que tu as vue d'une personne, tu penses qu'elle est munkar, laquelle tu n'as pas la science. Tu vas voir le alim, tu lui dis, écoutez, j'ai vu un frère faire cela, c'est quoi le hukm dans l'islam de ce jugement-là? Donc tu as évoqué les choses qu'il n'aime pas, lakin, afin de pouvoir, toi, connaître, quel est le jugement de l'islam sur cette chose-là. Et kadalika, tahdhir al-muslimin min ash-shar, le fait que tu mets en garde contre une personne, parmi des choses qu'il a fait, et qu'il n'aimerait pas entendre, même Foulan il a fait kada wa kada wa kada parmi les erreurs qu'elle a fait, la kinta tu le fais pourquoi? Nasihatun lillah. On conseille pour la communauté, de peur que les gens le suivent. De peur que les gens le suivent, même si jamais t'es sa'im, ça, ça fait partie de quoi? Des qurbat, des choses par lesquelles tu te rapproches auprès d'Allah Azzawajal. Une fois, il a été rapporté de l'imam Ahmad et on lui a dit, vois-tu la personne qui jeûne et qui met en garde contre autrui, est-ce que ça fait partie du riba? Il a dit, ouais, la kahada. Il dit, malheur à toi, c'est pas du riba, il est en train de faire quoi? Une nasiha lil mu'minin. C'est une nasiha, et il a dit, ça fait partie des choses par lesquelles tu te rapproches d'Allah Azzawajal. Donc, mettre en garde contre les mubtadi'a et autres. Et qu'à le cas, barakallahu fikoum, lorsque tu veux, tu te concertes auprès d'une personne, maintenant la personne qui veut se marier avec une autre, prend des renseignements sur cette personne-là. Si jamais toi t'es amené à décrire une chose dans laquelle elle est, comme ça a été évoqué lorsque Fatima ibn Qays, elle est venue voir le prophète, elle a dit, deux personnes m'ont demandé ma main, et ben, le Nabi sallam a dit, te marie pas avec celui-là, car celui-là c'est quelqu'un qui tape, celui-là c'est quelqu'un qui est pauvre, des caractéristiques qu'ils n'auraient certes pas voulu entendre. Lakin, le Nabi sallam l'a fait quoi? Nasihatan lillah. C'est pour conseil, pour cette femme-là, afin que elle se marie pas avec une personne qui n'est pas apte à être mariée. Donc le fait que tu te taises, ça c'est une tromperie. Donc ces choses-là ne font pas partie d'un riba. Ça c'est un petit ambi à faire par rapport à cela. Une personne va dire, mais t'es en train de jeûner. Et tu mets en garde contre Foulane, tu pars sur Foulane, tu dis, je suis en train de faire ça pour Allah Azza wa Jalla. Et pour en conseil pour la communauté afin qu'il soit mis en garde contre ces personnes-là. Tu dis, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jalla et non pas lui désobéir. Comme ça, afin de fermer la porte à certaines personnes qui ont un peu des compréhensions qui sont un peu tordues. قال وإن سابه أحد أو شتمه فليقول إني صائم. نعم. Si jamais une des personnes, comme ça a été authentifié, si jamais quelqu'un t'insulte, tu lui dis je suis sa'im, afin que ça soit un rappel pour toi, afin que tu n'insultes pas, malgré que tu as droit de l'insulter. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتسابا فعلى البادي منهما مقالة. Il dit les deux personnes qui se sont insultées, le péché reviendra à celui qui a commencé. C'est-à-dire que si jamais il t'insulte, tu as droit d'insulter. لكن ولا تعتدوا. كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. Celui qui transgresse sur vous, transgressez sur lui comme il a transgressé sur vous. تمام ولا تعتدوا. Et ne transgressez pas. C'est-à-dire, si t'insultes une fois, ne l'insulte pas deux fois. تمام. Ne l'insulte pas deux fois. Lakin, t'as le droit d'insulter. Lakin, même si jamais t'es en état de jeûne, tu peux l'insulter. Lakin, c'est mieux pour toi de ne pas le faire. Dis-lui, il n'est sa'im. Et toi aussi, Kadalika, fais-toi un rappel à toi. Même si tu as le droit d'insulter, lakin, c'est mieux que tu n'insultes pas. Car le fait de jeûner, ce n'est pas seulement de préserver ton ventre vide, mais c'est de préserver ta langue des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas entendre. قال فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب لكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرضيئة. Il dit, certaines personnes, tu vas voir, qui va avoir une aisance dans le fait de délaisser la boisson ses aliments lorsqu'ils jeûnent. Lakin, tu verras qu'ils ont une difficulté à quoi? Délaisser les paroles et les actes, il y en a qui sont réprimandables. قَالَ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدُ السَّلَافِ أَهْوَنُ الصِّيَامِ تَرْكُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ. C'est facile de délaisser la nourriture et la boisson lorsque tu jeûnes. Lakin, le vrai jeûne, il veut nous dire en gros, le vrai jeûneur, c'est celui qui préserve sa langue et ses mains des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il désapprouve. Il dit ça, c'est sa'im. Ama de préserver ton ventre vide, de conserver ton ventre vide, dit ça, c'est sahel, c'est facile. قال وعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال. Il dit, et donc il convient au musulman de se rappeler de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et de ça qui se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit dans tous les instants. Dans tous les instants. قال فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. Il dit qu'il doit se préserver d'éviter les choses qui vont annuler son jeûne ou bien qui vont diminuer la récompense de son jeûne. Même si ces choses-là ne vont pas annuler ton jeûne, que tu fasses riba ou bien que tu insultes quelqu'un ou bien que tu dises des choses qui sont du kadib et la khiri, des choses qu'Allah il désapprouve, même si jamais ce n'est pas des choses qui vont annuler ton siyam, lakin, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il va l'évoquer Shir, Allah il n'a pas besoin d'une personne qui jeûne et qui ne délaisse pas les mauvaises paroles. قال وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من ذلك والإكثار Donc il est bon aux jeûneurs de multiplier la lecture du Coran et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela, et qu'à l'écart de faire beaucoup d'actes surérogatoires, comme cela est prouvé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas du hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, lorsque il nous a dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nas wa kana ajwadu ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Ce hadith dans lequel il est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était l'être humain le plus bon. Et il était beaucoup plus bon lorsqu'il était lorsque c'était pendant Ramadan, Nabi Sallam faisait part d'une bonté qui était plus grande dans le mois de Ramadan lorsque Jibril venait le rencontrer. Et il nous dit que Jibril, il rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les nuits de Ramadan pour lui apprendre le Coran. Il nous dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait le Jibril, il était beaucoup encore plus bon, et sa bonté avait une influence qui était beaucoup plus rapide que le vent. Comme le vent, on peut vous connaître la vitesse du vent. Lakin, la bonté du prophète, elle était beaucoup plus rapide que la vitesse du vent. Donc ceci nous prouve que pendant Ramadan, c'est-à-dire en état de jeûne, il faut être bon, faire preuve de bonté, et être encore beaucoup plus bon que les autres jours de l'année, et de beaucoup lire le Coran. Car kadhalika, il est évoqué à la fin de ce hadith-là, فَكَانَ جِبْرِيلُ يُرَاجِعُ الْقُرْآنَ وَفِي رَمَضَانَ هَذَا يَنِي رَجَعَهُ مَرَّتَيْنِ. Il va faire réviser le Coran deux fois, donc deux fois plus. Il a doublé les efforts pendant Ramadan pour la lecture du Coran. Donc il fait partie de la sunna kadhalika, ayyuhal ikhwatun karam, tamam, ayyuhal hadirun, de multiplier la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Et combien y a-t-il de lettres dans le Coran? Nombreuses lettres, même de nombreuses lettres. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم ألف لا ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. Celui qui lit une lettre du Coran, il aura 10 récompenses. Je ne dis pas que ألف لام ميم c'est une lettre, لكن ألف est une lettre, le لام est une lettre et le ميم est une lettre. Et combien de lettres ont été évoquées dans le Coran? Si jamais tu multiplies toutes les lettres du Coran par 10, tu verras qu'en vérité, on devrait éviter de beaucoup parler et de lire le Coran énormément. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا في ذلك. قال حفظه الله تعالى فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد. Il nous dit السلف lorsqu'ils jeûnaient, ils restaient dans la mosquée afin de préserver leurs membres et leur langue de calomnier quelqu'un. تمام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Il dit celui qui ne délaisse pas les paroles vaines et devrées en vain, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne-là délaisse sa boisson et ses aliments. Donc ça montre que jeûner, ce n'est pas seulement de garder son ventre vide, lakin de préserver tes membres de toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Enfin, parmi les actes et les paroles, parmi les actes et les paroles. Et al-ghiba, c'est une chose qui est interdite, elle est de manière générale. Et qui est beaucoup plus grande pendant Ramadan. Parce que lorsque tu jeûnes, tu es dans une adoration qui est très grande, tu t'es fermé, comme on a pu le voir, les portes, ou plutôt t'as restreint à Shaitan de pouvoir venir te chambouler et prendre le dessus peut-être sur ton être, jusqu'à venir dire des choses que toi-même tu désapprouves. Donc lorsque tu jeûnes, c'est ma'arouf, tu es en train de préserver ta personne, de l'exposer aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Donc si jamais tu es en état de jeûne, c'est-à-dire que tu as emprunté le moyen pour te voir préserver, inshallah, des paroles qui sont désapprouvées auprès d'Allah Azza wa Jalla et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, le jeûne n'a aucun effet sur toi et aucun profit pour toi qui ne t'empêche pas de pouvoir délaisser ces paroles-là, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith qudsi, falaysa lillahi haja. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton jeûne, c'est-à-dire que ton jeûne, il n'aura même peut-être pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla, mais si jamais tu auras accompli pour cela une obligation, c'est-à-dire que tu te seras confirmé quant au fait de jeûner plaquine. Le jeûne, c'est pas la grande valeur du jeûne, car dans les cas, c'est de préserver ses membres. Et la langue, des choses que Allah Azzawajal, il déteste et il désapprouve. Et on se rappelle que dans les cas, des choses afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette l'effroi plutôt la peur de dire des choses qu'Allah Azzawajal, il désapprouve. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah عز وجل véritablement au jour du jugement dernier, qui croit au adab al-qabr, qui croit au na'im al-qabr, qui sait qu'un jour il va rencontrer Allah عز وجل et qui sait que peut-être cette parole-là qu'il va dire lorsqu'il va insulter ou bien dire une chose qu'il désapprouve Allah عز وجل, ça va être peut-être yani la cause qui va faire que ses mauvaises actions vont prendre le dessus dans la balance sur cette mauvaise action. Si vraiment il craint cela, et bien qu'il se taise. Qu'il y a un cas-là, parce que tu n'es pas à l'abri que cette parole que tu vas dire va venir et va faire quoi? Va faire prévaloir tes mauvaises actions aux bonnes actions. Et celui dont sa balance sera légère, c'est-à-dire les bonnes actions seront légères, sa destination sera l'enfer. Même si jamais ce n'est pas à l'éternité, lakin. وما أدراك ما النار. Rappelle-toi juste le hadith al-Bara ibn Azib رضي الله عنه, dans lequel lorsque le kafir, on va lui montrer dans sa tombe yani l'endroit qu'il a loupé, c'est-à-dire un jannah, et on va lui montrer l'endroit où il va aller, c'est-à-dire un enfer. Il est dans la tombe et il se fait taper dessus avec des grosses matraques. Si jamais seulement les serviteurs, ils entendaient juste le son de souffrance yani qu'il peut ressentir, ils seraient tous évanouis et tombés dans les pommes. Donc que dire de celui qui se fait taper, et malgré cela, lorsqu'on va lui montrer la fenêtre par laquelle on va lui dire « Voilà ta destination », il va dire « Rabbi la tuqimasa ». Ya Allah, je ne veux pas que l'heure yani vienne. Je ne veux pas yani rejoindre la demeure de l'enfer, malgré qu'il est en train de souffrir. « An-naru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna shadda al-'adhab ». L'enfer, ou plutôt le feu, leur sont exposés jour et nuit. Et lorsque l'heure viendra, on dira, faites entrer Pharaon et ceux qui les ont suivis pour un châtiment qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire, yani, l'enfer. Donc, yani, il faut qu'on se rappelle, yani, de ces choses-là, il faut qu'on se rappelle des choses-là qui vont nous jeter, inshallah, l'effroi dans le cœur afin de préserver nos langues, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et il désapprouve, car t'es pas à l'abri que cette parole-là que tu es en train de dire, yani, ça va être une parole qui va faire prévaloir tes mauvaises actions sur tes bonnes actions. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرجل ليتكلم من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. Une personne va dire ou va parler d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve, il n'aura jamais pensé que cette parole-là va l'amener vers la chose qui va l'amener, tamam, et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, va lui prescrire, yani, peut-être pour cela, son courroux jusqu'à le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Fallisan al-lisan, tamam, préservons nos langues des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il désapprouve, et utilisons notre langue dans l'adoration d'Allah azawajal, dans l'évocation, dans l'invocation, dans la lecture du Coran, dans la mise en garde, kavalika, parce que c'est une chose qui va te rapprocher d'Allah azawajal, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'apprendre ta science, dans toutes les choses qu'Allah azawajal, il aime et il agrée. قال رحمه حفظه الله تعالى وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة رمضان إلا بعد تقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وعراضهم من دين حفظه الله تعالى. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, tamam, il se passe de la personne qui ne préserve pas sa langue et ses membres des choses qu'Allah azza wa jalla désapprouve, même si jamais il préserve son ventre des aliments et de la boisson, il dit car yani, c'est par ces choses-là que va s'accomplir tamam, barakallahu fikum, ton siyam, c'est par ces choses-là que va s'accomplir ton siyam. Il nous dit wa ruwiya 'an Abi Hurayrah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an قال الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. Il a été rapporté d'Abu Huraira, لكن ce hadith là والله أعلم, يعني il faudrait voir son authenticité, c'est la première fois que je l'entends. يعني il y a un hadith qui a été attribué du prophète sallam dans lequel il dit le jeûneur dans sa adoration qui est le jeûne, c'est celui qui ne va pas calomnier son frère ou bien qui ne va pas le nuire. C'est clair et net que ça c'est le jeûneur qui est de jeûner qui a jeûné d'une manière qui est parfaite. Tamam masuga. Ça ne veut pas dire que si jamais tu fais cela, que ton jeûne est annulé, lakin, tu ne feras pas partie des jeûneurs qui ont jeûné d'une manière complète. Et le hadith qu'on a pu voir avant, tamam, on peut se passer de ce hadith-là et d'évoquer le hadith qui était avant. Man lam yada' al-qawla al-zur al-hamala bi fa laysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas les propos futiles et vains et kadhalika le mettre en application cela, Allah il n'est pas, il se passe du jeûne de ce genre de personne. Qala wa an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala ma sama man dhalla ya'kul luhum an-nas. Il dit celui qui mange la chair de son frère, tamam, la chair de ses frères, yani c'est pas un jeûneur. Tamam, c'est pas un jeûneur, c'est pas du siyam, tamam, c'est pas le siyam qui est parfait. Lakin, c'est pas un siyam qui est annulé, lakin qui est pas parfait et qui a peut-être même pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Tamam, le fait de parler sur ton frère, c'est l'équivalent à ce que tu manges la viande de ton frère. Déjà, manger la viande de ton frère, qui va le faire? Lakin, une viande de ton frère qui est altérée. C'est la même chose, hein. Lorsque tu fais une riba sur ton frère, tu calomnies ton frère, c'est comme si jamais tu avais mangé la chair de ton frère altérée. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في خير حالة صيام فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عدد الصائمين حقا لي الصائمين lorsqu'il n'est pas en état de jeûne, il délaisse les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Donc pourquoi les faire lorsqu'il est en état de jeûne tout de même? Donc il nous dit il faut éviter de faire cela afin qu'on soit dénombré parmi les véritables jeûneurs. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما سمعنا وأن يحفظنا وإياكم ويكتبنا من الصائمين الحق يعني من الصائمين الحقيقيين وإن شاء الله نكتفي بذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دمات أفاف ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي